Bosco, Doui Man. Bonsoir à vous tous, bienvenue à cette dernière édition du Journal Parlé en français pour ce 18 septembre 2017. Et voici tout de suite le grand titre. Quatre bandits de grand chemin ont été appréhendés par la police qui les a exhibés devant les journalistes ce matin en précisant qu'ils volaient avec des machettes dans le quartier Guissio. Nous sommes dans la zone Cagnochan, commune Mourad de la mairie de Bujumbura. Et puis le bilan de la fusillade de vendredi contre des Burundais à Kamagnola, en République démocratique du Congo, s'alourdit et porte à 36 le nombre de personnes tuées après la mort de deux personnes ayant succombé à leurs blessures. Un rescapé témoigne que plus de 3000 réfugiés burundais campent devant le siège de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, à quelques centaines de mètres du lieu du drame. Il manque presque de tout, nous dira-t-il. Et Bujumbura dit attendre d'être mieux informé pour réagir, nous a dit le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et puis, l'Olicom demande à la facilitation dans la crise burundaise d'accélérer le dialogue interburundais pour faire face aux défis économiques actuels. Gabriel Rufyiri, président de cette organisation, donne l'exemple de la chute du taux de croissance économique qui est passé de moins de 4% en 2014 à moins 0% en 2016. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Distribution de moustiquaires à travers tout le pays par le ministère de la Santé. Cette distribution de moustiquaires s'effectue à partir de ce lundi 18 septembre jusqu'au 22 septembre. En tout, 6,5 millions de moustiquaires seront distribués aux ménages, comme l'a précisé la semaine dernière le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Tade Ndikumana. Il précise que la distribution se fait sur les centres de santé et sur d'autres endroits identifiés. Il ajoute que ceux qui ont perdu les reçus à présenter pour être servis se présenteront le dernier jour accompagnés par un administratif à la base. Je venais de vous le dire, quatre bandits qui volaient avec des machettes dans le quartier Guissio de la zone Cagnocha en commune Mouha, mairie de Bujumbura, ont été appréhendés dans la soirée de ce dimanche en flagrant délit avec des machettes maquillées de sang. Pierre Nkurikiye, le porte-parole de la police, précise qu'il doit y avoir des enquêtes approfondies pour mettre la main sur toutes ces bandes criminelles. Suivez-le. Hier vers 23h30 à Guissio, c'est dans la zone de Kanyonja, ici à la mairie de Bujumbura, il y a des criminels armés d'armes blanches, les machettes, qui ont attaqué deux personnes que vous avez vues ici, dans le but de les dépouiller de leurs biens. Ils ont effectivement volé des articles de boutique chez l'une de ces deux personnes, tandis que l'autre a été blessé surtout au niveau de la tête et au niveau des bras et par ces criminels. Ce sont des criminels qui font partie d'un groupe de gens qui s'adonnent à perturber la sécurité en attentat à l'intégrité physique des gens par usage de ces machettes constatées surtout dans la partie sud de la capitale de Bujumbura, à Kinindo et à Guissio surtout. Mais ces derniers jours, il y a eu reprise de ces forfaits et hier, Dieu merci, les forces de sécurité ont pu appréhender flagrant délit des quatre de ces criminels que vous avez vus ici. Ils ont été appréhendés en flagrant délit avec même les machettes encore maquillées de sang, les machettes qu'ils venaient d'utiliser pour blesser ces personnes. Vous avez constaté qu'également au niveau de leurs habits, ils ont aussi des traces de sang. Et l'une de ces deux victimes a reconnu certains de ces gens-là qui lui avaient attaqué avec des machettes. C'était le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, dont les propos ont été recueillis par Evrard Havziariman. Sécurité, toujours trois personnes ont été tuées dans deux endroits de la province Muyinga la nuit de dimanche à lundi. Parmi les victimes, un couple éliminé à Mwakiro pour des soupçons de sorcellerie, d'après la police qui mène des enquêtes. Les détails dans cette correspondance de Dieudonné Zeimana depuis Muyinga. C'est avec des armes blanches que des criminels ont éliminé un couple de la colline Mwakiro dans la nuit du dimanche à lundi. D'après des proches de la famille endeuillée, les bourreaux voulaient tuer tous les occupants de la maison attaquée. Un enfant a été gravement blessé. En commune Gassogwe, sur la colline Lukinzo, c'est une femme de plus de 50 ans tuée dans la même nuit. Elle a été égorgée vers 19h au moment où son fils s'éloignait de la maison à la recherche du sel dans une boutique proche. À Gassogwe, on privilégie l'hypothèse d'un crime lié au

personnes mortes. Ce n'est pas maintenant que le ministère de l'Intérieur de la formation patriotique lance un appel à tout Burundais de rentrer. Les Burundais auxquels de la sont en appel ne sont pas seulement qui sont dans le cas des réfugiés. Même les autres qui vivent dans les villages, dans les pays limitrophes du Burundi sont invités à rentrer au pays. Quant à ce qui concerne le rapatriement des corps, non, il faut faire attention. Si quelqu'un déclare qu'il est réfugié parce que, selon évidemment les informations qui nous parviennent, il réclame qu'il soit des réfugiés burundais. Alors, s'il est réfugié, il n'est pas dans les mains du gouvernement burundais à ce moment. Même s'il est mort, il n'est pas intérieur au Burundi, c'est l'OHCR qui doit prendre les mesures. Donc, il soit dans les mains des Nations Unies via l'OHCR. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nahiraja, au micro de Mireille Kanyang. Et l'association Avorema, association des veuves orphelins et rescapés des massacres de Gatumba, a commémoré ce lundi 18 septembre le triste anniversaire de la mort des leurs qui ont été victimes de l'attaque qui a eu lieu la même date en 2011. 35 personnes y ont trouvé la mort et 34 autres ont pu échapper, comme le rappelle Guillaume Bigrimana, président de cette association. Il se réjouit que la présidence de la République ait toujours été à leur côté, mais demande tout de même que la vérité soit réellement connue sur ce massacre d'il y a 6 ans. Guillaume Bigrimana voudrait également que les familles des victimes soient indemnisées. Suivez-le au téléphone avec Léonce Vitalio. Nous avons un avocat qui continue à suivre notre dossier. Je peux dire qu'il n'est pas encore me donner le rapport après ce 6 ans. À ce moment, tout simplement parce que après ce massacre qui est passé à la tombe, la première chose c'était pour voir comment on peut se réunir, mettre ses orphelins, ses vestes ensemble parce qu'il y a autant de choses qui ont changé dans la famille. Ce qu'on demandait dans tout le temps, c'était tout simplement de demander de nous aider pour la nourriture, les cahiers, autres choses. Vraiment, nous remercions notre président de la République. Il continue à nous soutenir pour autant de choses. Et aujourd'hui, on a parlé aux invités que le président a envoyé, même le ministre de la Solidarité, que nous voulons connaître la vérité de ce qui s'est passé et qu'est-ce que la justice a pris parce que nous voulons de l'indemnité. Les envoyés que nous avons reçus aujourd'hui nous ont promis qu'ils vont aller dire à leur chef et ils nous diront de répondre dans quelques jours. Donc c'est pour dire que vous attendez, mais tout de même dans l'espoir. Vraiment, nous attendons en disant que nous avons de l'espoir qu'aujourd'hui, parce qu'ils nous ont montré qu'ils vont faire tout le monde possible de que ce dossier puisse passer. Justice sit-in devant le ministère de la Justice au lundi d'une famille réclamant la mise en application d'un jugement rendu dans un conflit lié à une parcelle se trouvant à la 7e avenue de la zone urbaine de Cibitoke à mairie de Bujumbura. L'avocat de la famille Yedo Barengayabo Pili parle du non-respect de la procédure. Maître Gaston Touabonier, avocat de la défense, demande l'élargissement de 2 personnes arrêtées. Je propose de l'écouter au micro de notre confrère Charles Makoto. Barengayabo Pili, elle a reçu gain de cause à la cour d'appel de Bujumbura. La partie perdante a demandé la cassation et puis la cour suprême, siégeant en matière de cassation, a rejeté la requête en cassation qui a été demandée par le conseiller Dombili Zoussen. Et puis, Dombili Zoussen n'a pas désarmé puisqu'il a cherché à ce qu'il fasse révision au ministère de la Justice. Il a introduit une requête en révision, mais le ministre d'alors a rejeté la requête en révision. Et aujourd'hui, alors, on était sur le point d'exécuter la cause. Et effectivement, en date du 28 août 2017, le tribunal de grande instance de Nahangwa a fait descendre sur le terrain pour mettre en exécution l'ordonnance qui a été émise par le tribunal de grande instance de Bujumbura. D'alors, la partie gagnante a été réhabilitée dans les droits, tel que c'est confirmé dans la décision des différentes juridictions. Mais une autre grande surprise, c'est que le lendemain, on a observé le contraire, puisque la partie qui a été expulsée était dans le lieu de la parcelle qui a été donnée à Barengayabo Pili selon la cause RCA de 118/2008. À voir le niveau où la procédure était arrivée, donc on voit que Barengayabo Pili, ma cliente, avait été réhabilitée dans les droits de par l'exécution qui a été faite en 2014, parce que en 2017, c'était la mise en exécution de l'ordonnance d'expulsion. Alors aujourd'hui, si la partie perdante, ça veut dire Mili Zoussen, devrait continuer la procédure, mais en ayant déjà exécuté cette ordonnance, il est en droit de continuer la procédure, de recours en révision, il fallait qu'il le fasse ayant exécuté l'ordonnance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la procédure n'est pas violée comme telle, mais je crois que Baningaï Opiri, c'est elle qui est actuellement propriétaire de la parcelle, puisqu'elle a été établie dans ses droits de par l'arrêt 118/2008 qui avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance sur le numéro RC15687. Des de la famille de Baningaï Opiri ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous demandez à la justice aujourd'hui? Ce que je demande à la justice, c'est de relaxer ces individus. Et la ministre de la Justice indique qu'il est normal que la partie lésée interjette appel, bien que le président de la République ait recommandé l'exécution du procès rendu via son chef de cabinet civil. Aimé Laurentine Kanyana dit que ce procès a été émaillé de certaines irrégularités, ce qui ne signifie pas pour elle que les juges ayant statué sur le cas ont commis une faute professionnelle. Écoutez plutôt la ministre de la Justice qui répond toujours aux questions de Charles Makoto. Nous avons reçu une famille qui proteste contre l'exécution d'une décision judiciaire portant sur l'expulsion d'une autre famille d'une maison se trouvant à Chibitoke, en mairie de Bujumbura. La juridiction compétente avait procédé à l'exécution de la décision prise par la juridiction compétente. Il s'en est suivi des protestations qui ont été portées à notre connaissance, ce qui nous a poussé à procéder à une analyse profonde de l'origine du litige et de la façon dont il a été réglé par les différentes juridictions. Nous avons mis sur pied une commission d'inspecteurs qui a travaillé sur le dossier et à notre niveau, nous avons jugé nécessaire de demander la révision de la décision qui pose problème. Ce procès a suivi toutes les instances de la justice burundaise et la famille a saisi même la présidence de la République pour la mise en application de cette décision. Est-ce qu'on ne peut pas penser au refus de l'application des mesures prises par l'institution suprême de la justice qui est la présidence? Nous respectons beaucoup l'institution du président de la République. Nous respectons, nous mettons en œuvre toutes les recommandations faites par cette institution. Mais en tant que service technique, nous devons d'abord procéder à l'analyse des recommandations qui sont faites, donner aussi notre avis pour ne pas induire en erreur son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour le cas que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, la recommandation de la Président de la République avait été mise en œuvre. La preuve en est que la juridiction compétente avait procédé à l'exécution de la décision judiciaire. Madame la ministre, en toutes les instances de la justice avaient été saisies et avaient tranché en faveur de la famille qui demande l'exécution du procès aujourd'hui. Quel sera le sort de ces juges qui ont intervenu dans ce jugement? Je crois que le juge, quand il se prononce sur un dossier qui lui est soumis, il est indépendant. Et puis, le juge, à partir des éléments qui lui sont soumis, peut prendre une décision. On ne peut pas alors dire que ces juges ont commis une erreur à notre niveau aujourd'hui. Nous présumons qu'il n'y a pas une très bonne analyse des circonstances. C'était la ministre Aimé Laurentine Kanyana en charge de la justice. Et pour terminer ce journal, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques appelle le facilitateur dans la crise burundaise à tout faire pour organiser dans l'urgence un dialogue qui soit inclusif en vue d'aider le Burundi et les Burundais dans la relance de l'économie. Dans une correspondance adressée au facilitateur, Gabriel Ruffieri, président de l'Olicom, affirme que le taux de croissance économique, qui était de plus de 4% en 2014, a chuté jusqu'en dessous de 0% en 2016. Il parle de différents secteurs sensibles, notamment le carburant, l'électricité, le manque de devises, etc. Il est difficile, selon lui, de redresser la situation si les Burundais ne parviennent pas à se mettre autour d'une même table et de manière inclusive. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaille pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent. Une bonne soirée.